Bon, ci biir bagage yi dim ci fekk deux appareils walkie-talkie. Maa ngi ko couvrir ni. Appareils yu lan la? Man da ngay mën a woote ñaari appareils comme mooy comme yi policiers di utiliser ak yooyu. Mën nga woote ci lu sore ak yu demee noonu. Yow dama bëgg nga jël ko dencal ma ko à côté incha allah ba suñu borom di yombal. Ni ma ko paquete noonu maa ngi ko bind paquete pour après pour ñu bàyyi ko noonu rek attaché biir paquet bi. ila axiri ba bala suñ borom di yombal ñu tudd appareil téléphone la walkie talkie la tudd waaw mën nga ci wax ak keneen ku wax entre 6 km ñu nekk si benn place bu nga xam ne 6 km yéen di ngeen di waxante di déggante comme yi policiers yi di yor rek barakallahu fikum.